Dialogue, un petit casse-croûte en vitesse. Écoutez. Nous marchons depuis ce matin. Il se peut que Jean ait faim et soit un peu fatigué. Tu ne veux pas que nous fassions un petit casse-croûte en vitesse? D'accord, mais ne traînons pas trop. Il faut que nous soyons à l'hôtel de ville à 2 heures. Voilà ce qu'il nous faut. Choisissons vite. Jean, que veux-tu? Je voudrais un sandwich au jambon et un coca. Et toi? Un hot dog. Monsieur, s'il vous plaît, un hot dog avec beaucoup de moutarde, un sandwich au jambon et un croque-monsieur. Il vaudrait mieux que nous allions nous asseoir. Il y a justement des places à la terrasse. Tu as raison. Avant, il faut que je commande quelque chose à boire. Que veux-tu que je te prenne? Un Orangina. Alors, pour Jean, un coca, pour toi, un Orangina, pour moi, une bière. C'est bien ça. Répétez. Nous marchons depuis ce matin. Il se peut que Jean ait faim et soit un peu fatigué. Tu ne veux pas que nous fassions un petit casse-croûte en vitesse? D'accord, mais ne traînons pas trop. Il faut que nous soyons à l'hôtel de ville à 2 heures. Voilà ce qu'il nous faut. Choisissons vite. Jean, que veux-tu? Je voudrais un sandwich au jambon et un coca. Et toi? Un hot dog. Monsieur, s'il vous plaît, un hot dog avec beaucoup de moutarde, un sandwich au jambon et un croque-monsieur. Il vaudrait mieux que nous allions nous asseoir. Il y a justement des places à la terrasse. Tu as raison. Avant, il faut que je commande quelque chose à boire. Que veux-tu que je te prenne? Un Orangina. Alors, pour Jean, un coca, pour toi, un Orangina, pour moi, une bière. C'est bien ça.